S'envolent les fourmis, soir brûlé de chaleur, s'en vont dans l'infini, sortant de leur torpeur, on mange une pizza et des tomates au sel. Strates d'air coincés dans la vallée, scintillent les lampadaires de Pontassieve, et le vent sera frais tout à l'heure peut-être, et les chats jouent avec perdra dans le ciel infini de l'Italie.